Le 1er janvier 1955 naît une nouvelle station de radio, Europe numéro 1, avec une formule très populaire aux États-Unis, Music and News, c'est-à-dire un maximum de musique et des informations. Cette formule va au fil des mois attirer de plus en plus de jeunes qui préfèrent Europe numéro 1 à ce qu'il aurait généralement proposé sur la familiale Radio Luxembourg ou sous les ondes des radios nationales. À la tête des programmes d'Europe numéro 1, le futur époux de Dalida, Lucien Maurice. Salut les 60, allez, bienvenue sur Radio Gamozo. Oh, avec les femmes, vous manquez d'un peu d'audace. Oh, oh, oh, oh, chérie, oh, chérie, oh, oh. Vous en êtes à votre 33e verre de rhum. Oh, chérie, oh, oh. Si vous voulez, chérie, que je vous embrasse. Oh, oh, oh, oh, chérie, oh, chérie, oh, oh. Vous pourriez au moins tirer votre chewing-gum. Oh, chérie, oh, oh. Je sens dans les jambes comme des aiguilles. Oh, oh, oh, chérie, oh, chérie, oh, oh. C'est terrible ce que vous pouvez être maladroit. Chérie, oh, chérie, oh, oh. Vous plantez vos éperons dans mes chevilles. Oh, oh, oh, chérie, oh, chérie, oh, oh. Va falloir me payer une autre paire de bas. Oh, chérie, oh, oh. Votre étoile s'est accrochée à ma guêpière. Oh, chérie, oh, oh. Vous n'êtes vraiment pas très fort en amour. Oh, oh, oh, oh, chérie, oh, chérie, oh, oh. Ne trouvez-vous pas qu'il y a trop de lumière? Oh, oh, oh, oh, chérie, oh, oh. Donnez donc un coup de fusil dans l'abat-jour. Come around. I said, baby, baby, baby, won't you listen to me? Come on, sugar, come on, hear my plea. Well, she looked at me, boy, oh, we'll never agree. Right by side. I said, baby, baby, baby, won't you listen to me? Come on, baby, come on, hear my plea. Turn that big car around, come on back to me. coming back. Oh, he ain't ever coming back. Oh, he ain't ever coming back. Oh, he ain't ever coming back. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gémozo. Cette première heure, nous avons eu la pétulante Petula Clark, Oh Sheriff Oh, Vince Taylor, Brand Cadillac, et à l'instant, c'était les Kicksmen Louis Louis Aïe. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, c'est-à-dire la version originale contre l'adaptation française, le hit parade de juillet sera visité et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacrée à notre Sheila nationale. Vous avez décidé de nous accompagner, merci de votre choix. Excellent après-midi sur Radio Gémozo.

Chivalente La Bamba, un titre qui sera repris par, dans les années 90, par Los Lobos. Serge Gainsbourg, avec son énorme personnalité, s'est lui bonifié avec le temps, en se jouant des modes, les récupérant avec talent quand il n'en était pas tout simplement l'initiateur. Comic Strip en 1967, une facette de son énorme talent. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des bang, et des zip, shabam, pow, blop, whew. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait yam, ça fait splash, et ça fait stop, ou bien bon, ou on, parfois même zip, shabam, pow, blop, whew. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des bump, et des zip, shabam, pow, blanc, whew. Viens avec moi par-dessus le building, ça fait whew quand on s'envole, et puis cling, après quoi je fais tilt, et ça fait boing, shabam, pow, blanc, whew. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zip, shabam, pow, blop, whew. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crack, pour te protéger, crack, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, zip, shabam, pow, blop, whew, shabam. Shabam, pow, blop, whew. Platch, souvenez-vous, c'était en 1961 que vous avez pris l'une de vos premières leçons de twist. Et oui, vous allez me dire que c'est bien loin tout ça. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pourquoi, eh bien, je vous propose une petite révision en compagnie de Dalida. Une remise en forme sur Radio Gemozo. On n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui vous fait du dégât. Et comme moi, il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser cela quatre ou bien à deux. Pas besoin de tout regard dans les yeux. Il n'y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous. Twist and twist, et vous verrez tous. Twist and twist, le monde entier twisté. Un pied devant et les deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Voilà, c'est ça, et comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, alors twistez comme on vous a montré. Je suis certaine vous gagnerez. Sauter de temps en temps, ensuite vous vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, oui, ça va.

Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cierro herido que busca en el monte enfado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I'm a sincere man from the land of the palm trees. But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green, but also a flaming red. My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world's humble. A little mountain stream pleases me more, more than the ocean. Hey! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guimauzo. La mode de la mini-jupe, inventée par la Britannique Mary Ken, déferle en France. Jacques Anquetil réalise le doublé Giro Tour de France, un Tour de France endeuillé. À Port-de-Couze, un camion percute la foule qui attendait le Tour de France. Bilan, 8 personnes tuées, 4 seront blessées. Nous sommes en juillet 1964 et Sheila classe à la 44e place du hit parade de l'époque, Un monde sans amour. Bien des gens m'ont dit, la vie n'est pas jolie, la douceur, le bonheur n'ont plus cours ici. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Oui, j'entends souvent chanter le clair printemps. Au réveil, le soleil, les oiseaux sont là. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. À l'arc-en-ciel, à l'enfant qui s'émerveille, à ces roses ouvertes au ciel, mon cœur dit merci, vous donnez la vie, oui. Quelqu'un là-haut nous fait tous ces cadeaux. jaloux, ne vois rien du tout. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Sont là. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Voilà, un monde sans amour, c'était Sheila. On progresse de 4 places et l'on trouve le nouveau titre de Richard Anthony, Les garçons pleurent, titre qui rentre à la 4e place du hit parade. Un vent de folie souffle en Angleterre à l'occasion de la sortie du film des Beatles, Hardest Night. En ce mois de juillet 1964, les Animals sont la grande révélation du rock anglais avec leur fantastique hit House of the Rising Sun, hit qui rentre à la 37e place du hit parade. Thank you. 1964. J'aime ta couleur café. Les sœurs Guatchel, Marielle et Christine, trustent les victoires. Le Nouvel Observateur sort son premier numéro. Quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. En URSS, Nikita Khrouchtchev est limogé. Kleenex, blanc ou rose, rend 1000 services dans la vie courante. Et hop, Angélique, marquise des anges, est incarnée par Michel Mercier. Et Ian Fleming, inventeur de James Bond, disparaît. Aux USA, Lyndon Baines Johnson est élu président. Et les Rolling Stones sont plébiscités par les petites anglaises. À New York, le pont de Brooklyn, le Brooklyn Bridge, est spectaculaire. Le caprice de Dieu s'annexe les anges. Sous des balcons. Simca sort la 1300 et la 1500. Oh, oh. Et Chamex change la vie des ménagères. Round, round, get around, I get around, yeah, get around. Lop Art envahit la mode. James Bond, dans Bon Baiser de Russie, envahit le monde. Mes premières vraies vacances, j'en rêvais depuis longtemps. Et cette année, j'ai la chance de partir sans mes parents. Ce n'est pas que ma famille soit vraiment collée montée, mais moi, je suis grande fille, j'ai besoin de liberté. Fini de toujours dire où l'on est, fini la trempette où l'on a pied, fini de s'habiller pour dîner, bien fini. J'aurai le droit de marcher nu-pieds, j'aurai le droit d'être décoiffé, j'aurai le droit d'aller me baigner sans bonnet. Mes premières vraies vacances, moi je veux en profiter pour sortir de mon enfance par les portes de l'été. Mes premières vraies vacances, comme elles me semblaient loin, et voilà qu'elles commencent, je serai là-bas demain. Faudra que je me trouve un garçon, faudra qu'il danse comme un champion, faudra qu'il soit pas trop polisson, faudrait pas. D'accord pour la balade en bateau, d'accord pour qu'il m'offre des gâteaux, d'accord. Mais s'il m'en demande trop, pas d'accord. Mes premières vraies vacances, je ne veux pas les gâcher en écoutant ces romances qui ne chantent qu'un été. Car je pense, quand j'y pense, que c'est trop pour 15 jours. Des premières vraies vacances et un premier grand amour. Des premières vraies vacances et un premier grand amour. Des premières vraies vacances et un premier grand amour. Des premières vraies vacances et un premier grand amour. Elle est 20e, France Gall, mes premières vraies vacances. Daniel Gérard poursuit sa tournée d'été entre la France et l'Italie. C'est ainsi produit pour la télévision italienne à Venise, faisant triompher son récent succès D'accord, d'accord, titre qu'il classe en France à la 15e place du hit parade de juillet 1964. Ce soir j'irai au charivar, si je m'ennuie là-bas j'irai au cinéma. D'accord, d'accord, je vais au charivar. D'accord, d'accord, d'accord, j'arrive plein d'espoir, personne charivar. Je vais au cinéma mais elle n'y était pas. D'accord, d'accord, ne nous affolons pas. D'accord, d'accord, d'accord, je sais que très souvent elle va aux quatre vents. C'est un club assez chic, allons pas de panique. D'accord, d'accord, je vais aux quatre vents. D'accord, d'accord, d'accord, j'arrive aux quatre vents, quelqu'un se met devant. C'est monsieur le portier qui m'interdit l'entrée. D'accord, d'accord, on en reparlera. D'accord, d'accord, d'accord, où est-elle, mais où est-elle, mais où est-elle passée. qui me dit t'as pas l'air bien. Tu as l'air très tiré, toi tu devrais rentrer. D'accord, d'accord, moi je rentre chez moi. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive et quelqu'un sonne et c'est le téléphone. Elle me dit j'en ai marre d'attendre Charlie Bar. D'accord, d'accord, je retourne au Charlie Bar. D'accord, d'accord, d'accord. Où est-elle? Mais où est-elle? Mais où est-elle passée? Ce mois de juillet 1964, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday sont de nouveau les grands vainqueurs du référendum annuel de Salut les copains. D'ailleurs, son dernier titre, Pour moi tu es la seule, rentre à la deuxième place du hit parade de juillet 1964. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas, car pour moi tu es la seule. La seule. Yeah, yeah. Ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Façon, oui, de m'embrasser me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Pour moi, tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie, car pour moi, tu es la seule. Ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Te voir, les garçons arrêtent le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin tout est la joie, car pour moi tu es la seule. La seule. Yeah, yeah. Ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer me fait rêver. Pour moi tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 0329 62 40 40. Thank you. when Grand was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail. Let it rock. Shift to Henry said the bugs for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. But he turned to Shift to and he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock, everybody let it rock. Elvis Presley, Jailhouse Rock, situons-le tout, c'était en 1957. Retour à l'année 63, Sylvie Vartan, qui touche 50 000 francs par spectacle, sort son 8e 45 tours sur lequel figure Chance, la reprise Chains des Cookies. Johnny Hallyday et les Beatles l'inscriront également à leur répertoire. Grand Prix de poésie est attribué à Georges Brassens. Nous sommes en juin 1967 et Michel Polnareff, qui a changé de look, n'en continue pas moins d'aligner les tubes. Le seul pleureur, à titre signé Franck Gérald, en est la preuve. Toute la nuit je t'ai serré dans mes bras, oui. Toute la nuit je t'ai tenu contre moi, oui. Toute la nuit ce n'est pas long, mais ce n'est pas une raison pour que tu ne t'en souviennes même pas, non. Toute la nuit tu m'appelais ton chéri, oui. Toute la nuit tu me disais des folies, oui. Tu murmurais mon prénom de si gentille façon. C'est curieux que tu ne t'en souviennes pas, non. Voici qu'à présent le jour se lève, le soleil me fait ouvrir les yeux, et je dégringole de mon rêve comme un ange qui tombe les cieux. Toute la nuit j'ai cru t'avoir dans mes bras, oui. Toute la nuit j'ai cru dormir avec toi, oui. Et je me suis éveillé embrassant mon oreiller qui n'avait pas l'air de trouver sa bonne, non. Toute la nuit nuit, j'ai cru t'avoir près de moi, oui. Dis-moi que ce sera pour la prochaine fois, oui. Les chats sauvages en 1962, toute la nuit. Sur Radio Guémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord, la version française avec Michel Thor, Dandy. Qu'elle préfère, oh Dandy, Dandy. Oui. Vraiment je m'excuse, mais moi tu m'amuses. Et quand tu fais le beau, je vois tous tes défauts. Je te vois dans 30 ans, toujours Dandy, non, oh Dandy, Dandy, Dandy. Ouais, ouais, ouais. Dandy. Après la version française, la version originale avec les Herman & Hermite. Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. They long for Dandy. Chatting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charms to meet your own demands, and you turn it off at will. Oh, they long for Dandy, Dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Happy's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. You low down Dandy, Dandy, Dandy, Dandy. You know you're moving much too fast, and Dandy, you know you can't escape the bus. Look around you and see the people settle down, and when you're old and gray you will remember what they said. The two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh Dandy, Dandy, when you gonna give up? How you feeling old now? You always will be free, and you need no sympathy. A bachelor you will stay. And Dandy, you're all right. You're all right. You're all right. You're all right. Salut les 60, souvenirs, souvenirs sur Radio Guémozo. Oui, en un mot, oh my baby, I'm a coming back to you. Oui, en un mot, my baby, your lonely days are through. those teardrops, 'cause I've been lonely too. Well, we no more, my baby, I'm coming home to you. Dry those big brown eyes, my baby, I've been gone too long. Oh, this time I don't mean maybe. I know I've done you wrong. Yeah, we no more, my baby. Your lonely days are through. We no more, my baby. I'm a coming home to you. Brenda Lee, Weep No More My Baby. Vous venez de nous rejoindre, merci de votre choix. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. 'Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right, the hold of the tide. But we need you to love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This love was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Breathless. Breathless, à l'instant, c'était Jerry Lee Lewis. Fan d'Elvis Presley et de Brenda Lee, mais aussi de ses compatriotes Adriano Celentano et Rita Pavone, début 1964, Evie, que l'on surnomme l'écolière de la chanson, est sur les ondes des radios périphériques avec « Je t'en prie, dis-le-moi ». Entre nous, tout est fini. Depuis que tu m'as dit ces quelques mots, tu vois, je reste là, une larme coule de mes yeux et brille sur ma joue. Jamais, jamais je ne pourrai oublier ce jour. Jamais, jamais je ne pourrai croire en l'amour. Car tu sais, si j'ai eu tort, tu sais, je t'aime encore. Alors reviens vers moi. Oh oui, que ce n'est pas vrai. Ah oui, tu sais que non. Reviens, tu le sais bien. Reviens. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, reviens. Je t'en prie, dis-moi. Oh, que tu m'aimes pour la dernière. Après Del Shannon, Est of Tulare, nous retrouverons la chanteuse la plus populaire pour le téléspectateur abonné aux émissions de Guy Lux. Dans quelques minutes, notre coin du spécialiste sera consacré à Sheila. Merci de nous écouter. Excellente fin d'après-midi sur Radio Guimauzo. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. Hats off to Larry, he broke your heart, just like you broke mine when you said we must part. He told you lies, now it's your turn. Your back, I think you'll change, but there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry, it may sound true, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, but it's your turn to. Now that Larry said goodbye to you. We'll be right back. Radio Gémozo, les bons moments ont toujours une musique. En 1960, une musique nouvelle est née en France avec la découverte du rock'n'roll importé des États-Unis grâce à des vedettes comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers et un peu plus tard Sylvie Vartan, François Hardy et Claude François. À cette époque, Annie Chancel, alias Sheila, qui est née le 16 août 1946 à Créteil, travaille encore avec ses parents sur les marchés de la région parisienne. Depuis un jour de l'automne 62, alors que le twist fait déjà fureur, Annie Chancel passe une véritable audition devant Claude Carrère. Séduit par le talent de la jeune chanteuse, Jacques Play et Claude Carrère, tous deux directeurs artistiques chez Philips, réussissent à convaincre les parents d'Annie et dans la foulée, le contrat est signé par monsieur et madame Chancel. Adieu Annie, bonjour Sheila. Son premier 45 tours à la pochette rose marquée du slogan « Elle s'appelle Sheila », elle a 16 ans, écoutez-la, sort en octobre 1962. Début 63, le titre vedette de son deuxième 45 tours, le twist « L'école est finie », est un véritable triomphe, ce sera son premier disque d'or. À son tour, la gamine devient une idole. En jupe écossaise et chemisier blanc, coiffée avec ses fameuses couettes, le style Sheila est donc lancé, dès lors Sheila va enchaîner les disques et les tubes. Créer les boutiques Sheila, elle sera la vedette des films L'année du bac et Bang Bang, baptisée par 50 millions d'individus. Petite fille de français moyen, Sheila, la chanteuse la plus populaire pour le téléspectateur abonnée aux émissions de Guy Lux. Elle sera pendant plus de 25 ans la star des enfants, de leurs parents et des grands-parents. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes. Donne-moi ta main, et prends la mienne.

des années Blue Jim. Salut les 60, c'est avec Gérard sur Radio Guémozo. Moyen, j'en c'est bon quand l'existence est compliquée. Dans la vie, elle s'ennuie. Tant d'amis et pas un seul sur qui compter. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen. J'ai peu d'amis mais je sais bien qu'ils sont tous là quand j'ai du chagrin. Les petites filles précieuses des grandes familles sont courtisées par des jeunes gens guindés. Elles sont attirées bien sûr par ceux qui brillent et c'est pourquoi elles n'ont toujours que des regrets. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen. J'aime un garçon sans prétention et près de lui je me sens si bien. Tandis que moi je ne vous oublierai jamais. Kidouba, didi, doua, dita, didi, dou. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Kidouba, didi, doua, dita, didi, dou. Tous ensemble, tous ensemble, on est bien, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. Kidouba, didi, doua, dita, didi, dou. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Pas de problème, car si quelqu'un nous plaît bien, tout simplement, on l'adopte, on lui dit bien. Sur Radio Guimauzo, des souvenirs plein la tête. Hey, boy! Hey, boy! Hey, boy! It's the Madison! Thank you. L'école des cœurs brisés. Après cette très belle balade, je vous propose de retrouver notre dernier match. Je suis pas digne de toi. Qui disait je ne peux plus vivre de mensonges et de chagrin et te jurer que ce garçon n'était rien qu'un copain. soit maudite à jamais. Quand j'ai vu son visage dans cette maudite rivière, il y avait sur ses lèvres encore une prière. J'ai cru voir des larmes dans ses yeux de poupée. La rivière a murmuré, tu n'aimeras plus jamais. Maudite rivière, tu m'as pris l'amour que j'avais. Maudite rivière, que tes eaux profondes soient maudites à jamais. Johnny Hallyday, maudite rivière, opposée pour ce troisième et dernier match au Moody River de Pat Boone. Adaptation ou version originale sur Radio Game Ozo, c'est à vous de choisir. L'infatigable 4L fait son apparition et va conquérir les routes de France et de Navarre, les villes et les campagnes. Jean Gabin ressemble à s'y méprendre au président, aux côtés de Bernard Blier. Marlon Brando, dur et tendre, incarne la vengeance au dévisage. Et chaque fois, Ernest Hemingway, ivre de gloire, se donne la mort, les canons de Navarone tonnent. Les Américains envoient à leur tour un homme dans l'espace, Alan Shepard. Fidèle à sa tradition chevaline, Hermès lance le parfum Calèche. En France et en Algérie, le peuple vote sur l'autodétermination et le cessez-le-feu. Le oui l'emporte à 75%. Brigitte Bardot mène sa carrière la bride sur le cou. 30 000 cas annuels de délinquance juvénile. La France découvre ses blousons noirs. Braun invente le sextant. La cellule photoélectrique fait son apparition dans la vie de tous les jours. Le free jazz énerve déjà les parents. Et paraît-il, les chaussures se modernisent grâce à M. André. Thank you. is the only life, the only way for me. Now surf, surf with ball, ball, dip, dip, dip, ball, ball, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, ball, dip, dip, dip, surf, ball, dip, dip, surf, ball, dip, dip, dip, surf, ball, dip, dip, ball, ball, dip, dip, dip, ball, ball, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. From the early morning to the middle of the night, anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest dance craze. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Pop, dip, dip, dip, pop, dip, dip. Now the dawn is breaking and we've really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, cause you know I'm coming back. Going surfing, pop, dip, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, dip, pop, pop, dip, dip, dip, pop, pop, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Les Beach Boys, Surfing, le duo Dutronc Lanzmann entre deux brouilles n'arrête pas d'étonner. Après Et moi, et moi, et moi, le duo, toujours en cette année 66, nous propose Mini, Mini, Mini du très, très bon Jacques Dutronc. Tout est mini dans notre vie. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moc, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini. Moi je préfère les maxi, maxi moc et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus, maximum et maxibus, maxis terre et terre maxus, maximum et maxibus. Sur Radio Gémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Et moi, nous restons là et seuls. soleil. Rendez-vous, joli soleil. Oui, là, joli, oui, là. Rendez-vous, joli. C'est ce qu'il a dit. Et toi, et moi, nous restons là. Et c'est toujours ainsi à chaque joli. Salut les 60, merci de nous avoir tenu compagnie cet après-midi. On se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche à partir de 10h pour la rediffusion de celle-ci. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo. Notez bien notre adresse internet radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. We'll be right back.